Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Annie Ernaux, Antonio Lobo-Antunesch, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvet, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Jean-Philippe Toussaint. Cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, regardez. Pour ce troisième épisode de ces entretiens à voix nue, Jean-Philippe Toussaint, je vais à nouveau vous proposer un titre qui est un verbe, à l'infinitif. Vous qui aimez les titres brefs, parfois des verbes, fuir, faire l'amour, mais aussi monsieur, la télévision, la salle de bain, la patinoire, la réticence, ou en un seul mot, le dernier en date, nu, le verbe que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le verbe « regarder ». Première réaction à cette proposition, Jean-Philippe Toussaint. Il est évident que toute mon imagination est visuelle. J'ai plusieurs activités, c'est vrai que j'écris, je fais des films, je fais des photos, des installations, mais je regarde. Parfois, c'est un, on pourrait dire, un regard mental. J'ai l'impression que mes livres pourraient passer pour des monologues intérieurs visuels, d'une certaine façon. C'est un peu comme des rêves qui se... J'ai réfléchi à la texture du rêve. Le rêve ne m'intéresse pas spécialement dans son contenu. Enfin, tout le côté onirique ne me plaît pas beaucoup, puisque je suis plutôt terre-à-terre. J'aime le quotidien, les choses assez banales, les choses prosaïques aussi. Donc l'onirique ne me plaît pas, le fantastique ne m'attire pas particulièrement. Mais je trouve que dans le rêve, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, c'est que c'est très visuel, et que même s'il y a des dialogues, ils sont... d'une certaine façon, inclus dans la pâte ou dans le flux général, ils ont une forme, les dialogues du rêve. Par ailleurs, ils ont toujours un lien très fort avec notre intimité la plus profonde. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes au plus profond. Et j'essaye que mes livres apparaissent comme ça. Donc j'invite le lecteur, d'une certaine façon, à faire appel aussi à sa propre intimité, à ses souvenirs aussi, à ses... Lorsque je parle, par exemple, d'une crique à l'île d'Elbe, il y a déjà une tromperie de départ, c'est que moi, je m'inspire d'une crique qui est en Corse. Alors après, je superpose, je ne l'appelle pas par son nom véritable, je lui donne un nom italien, et puis je la situe mentalement sur une carte de l'île d'Elbe. Mais la vraie inspiration, elle me vient d'une vraie crique que je connais, avec certains galets, qui est en Corse. Donc déjà... je parle d'une crique à l'île d'Elbe, et moi, l'image qui va me venir mentalement vient de Corse. Mais je n'ignore pas que tel lecteur va évoquer une crique grecque, tel autre des Baléares, d'Espagne, ou d'île d'Elbe, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même une tentation. Si vous connaissez un peu l'île d'Elbe, vous allez peut-être chercher dans votre mémoire tel crique de l'île d'Elbe. Mais donc, il y a tout un processus comme ça qui me semble très intéressant. Et ce que j'aimerais, c'est que chaque fois, quand on lit mes livres, qui sont en effet une succession d'images, il y ait toujours quand même un lien avec la propre histoire réelle, les propres souvenirs du lecteur. Et qu'il s'investisse, qu'il m'aide d'une certaine façon, qu'il complète les images que je donne et que finalement, l'image finale qui va apparaître dans le cerveau du lecteur, certes, moi, je l'aurais d'une certaine façon proposée, induite, mais c'est quand même le lecteur qui va la compléter. Donc ça me semble absolument indispensable, qu'il y ait une participation active de chaque lecteur. Alors ça, c'est votre dimension duchampienne. On va bien sûr parler aujourd'hui dans une émission qui s'intitule « Regardez » de Ces Avoies Nues, de votre rapport à l'art, mais c'est le lecteur qui fait le livre comme le regardeur fait le tableau. Oui, alors justement, on parle d'exposition, et une des choses qui m'a le plus intéressé dans l'exposition que j'ai proposée au Musée du Louvre en 2012, c'est le travail que j'ai fait sur le cerveau. Et je vous parle là de ce qui se passe en gros dans le cerveau du lecteur, mais j'ai fait une œuvre, une proposition plastique sur ce thème. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un lecteur, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on lit. Et j'ai fait une proposition, d'abord j'ai travaillé sérieusement, c'est que j'ai été voir des spécialistes du cerveau. Il se trouve qu'à Liège, il y a le Coma Science Group. C'est les plus grands spécialistes du coma mondiaux, je crois, avec l'équipe du professeur Loraïs. Et j'étais les rencontrer et j'ai travaillé avec le professeur Loraïs qui m'a accueilli, mais aussi avec des ingénieurs, avec les gens qui font les interfaces cerveau-ordinateur. J'ai fait tout un travail. En fait, j'ai été rencontrer le professeur Loraïs et je lui ai dit, est-ce que ce serait possible d'avoir des images de mon propre cerveau quand je suis en train de lire? Il m'a dit oui, c'est techniquement possible, mais on ne fait pas ça. Enfin, on n'est pas là pour rendre service aux artistes. Mais il m'a dit, mais par contre, si vous voulez être volontaire, on a besoin de volontaires pour faire certaines expériences, et vous aurez à ce moment-là plein d'images de votre propre cerveau. Alors je ne dis pas que ce sera nécessairement en train de lire, mais vous aurez déjà un stock d'images. J'ai dit d'accord. Et c'était assez compliqué parce qu'il fallait être à jeun. On nous faisait une piqûre avec des éléments très légèrement radioactifs. Enfin, rien de grave, mais il fallait quand même en vouloir. Et autre moment, dans le PET scan, on restait une heure allongé. Et on recevait des bruits étonnants. Enfin bon, à l'arrivée, j'ai une espèce de corpus extraordinaire d'images de mon propre cerveau, en couleur, avec des zones cérébrales activées. J'avais vraiment des images en trois dimensions de mon propre cerveau. Enfin, bref, je me suis régalé avec ça. Et par ailleurs, grâce à un ingénieur en particulier, j'ai essayé d'avoir des images scientifiques d'un cerveau activé, et donc des zones cérébrales activées. De plus en plus, par exemple, on a remarqué maintenant que si un musicien écoute un morceau de musique, on voit très bien quelles sont les zones cérébrales activées. Un joueur de tennis regarde un match de tennis, on voit que ce sont d'autres zones cérébrales qui sont activées, etc. à l'infini. Et ça, c'est assez basique, mais ça devient de plus en plus pointu et de plus en plus spécialisé. Et donc moi, j'avais mon corpus d'images et je me suis dit, je vais faire une œuvre vidéo, une création de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est en train de lire. Alors j'avais ma base réelle, scientifique, avec des zones cérébrales réellement activées, donc des très belles images du jaune, du rouge, avec des choses qui bougeaient, qui apparaissaient, donc ce côté d'activation de zones. Et ensuite, j'ai pris un certain nombre d'images d'archives, des images que j'étais capturées sur Internet, des images que j'avais faites moi qui étaient dans mon ordinateur. J'ai mélangé tout ça et j'ai fait une vidéo d'une quinzaine de minutes qui, en fait, a été projeté sur un écran. Alors, l'installation, je la résume en deux mots. Il y avait dans le musée du Louvre une cabine de douche dans laquelle un volontaire entrait avec un livre qu'il était en train de lire. Sur la tête, il avait un casque d'électrode. Ce casque d'électrode était relié à un amplificateur et l'amplificateur était relié à un écran. Et donc, il était en train de lire, on le voyait, les gens entraient dans la salle, ils regardaient ce type en train de lire, ou cette femme, et en temps réel apparaissait sur l'écran ma vidéo. Alors certes, ce n'étaient pas les images réelles qu'on peut capter, mais il y avait un vrai mystère. La plupart des gens, à moins qu'on soit vraiment spécialiste du cerveau, ils avaient une vraie interrogation. Ils disaient, mais c'est quoi ces images? Comment c'est possible que... Surtout que c'était assez modeste au début, hein. C'était juste des zones cérébrales activées, des fréquences, et ce n'est que petit à petit que je faisais apparaître des images très trafiquées, parce que j'avais beaucoup travaillé en saturant les couleurs, en rendant des choses plus floues. Enfin bon, bref, j'ai fait un vrai travail. Ça m'a énormément intéressé de ce travail sur le cerveau. À propos de regarder, Jean-Philippe Toussaint, bon, la question du regard, Voilà, là, si on regarde par la fenêtre de ce bureau d'édition de minuit, on pourra voir tel détail, telle particularité. Mais la question du regard, c'est la question de la distance. Et la distance chez vous, ça a longtemps été, et ça l'est encore aujourd'hui, la place de l'humour aussi dans votre écriture. Tout dépend comment on regarde ce que l'on regarde. Et l'humour, c'est aussi une question de distance. C'est une question difficile, l'humour. J'ai un peu tendance à réfléchir à tout. Et je me suis rendu compte que sur l'humour, il valait mieux ne pas trop en dire. J'avais fait une sorte de réflexion qui disait que l'humour, c'est comme l'espionnage. Il est peut-être préférable de ne pas trop parler de ces méthodes pour ne pas nuire à leur efficacité, quoi. Il y a un côté restons. Si je commence à vous dire pour être drôle, c'est comme ça, c'est mal parti. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'assez intuitif, il y a quelque chose d'assez. C'est une protection, c'est une. Je sens ça comme une force qui va surgir d'un ensemble de faiblesses. Et puis techniquement, il y a sûrement des recettes, mais c'est vrai que je préfère rester sur un mode très instinctif. J'ai un peu peur de m'embrouiller là, sur ces questions. Alors, je ne peux pas vous proposer le verbe regarder sans vous parler de la télévision, Jean-Philippe Toussaint, à la fois titre d'un de vos livres et votre rapport avec elle. Dans ce livre, il s'agissait d'arrêter de regarder la télévision comme on arrête de fumer. Alors, d'une part, est-ce que vous pensez que regarder la télévision est dangereux pour la santé, pour reprendre un peu ce qu'on peut lire sur les paquets de cigarettes? Et quel rapport, en fait, vous avez avec ce drôle d'objet-là? Alors, première remarque, c'est vrai que vous m'avez proposé le verbe regarder. J'aurais dû bondir et répondre immédiatement. Dans la télévision, j'utilise le verbe regarder dans la première phrase. J'ai arrêté de regarder la télévision. Le livre date de 1997. Je pense qu'il reste largement d'actualité, même si aujourd'hui, je pense que je me serais plutôt intéressé à Internet. Et je pense que j'aurais fait la même première phrase, j'ai arrêté d'utiliser Internet. Je pense que ça offrait à peu près les mêmes perspectives qu'il y a 20 ans, la télévision. Alors, sur la télévision, j'ai appris récemment, ça m'amusait, qu'il y avait des études très sérieuses qui disaient que c'était mauvais pour la santé, que ça faisait grossir et qu'on vivait moins. Alors ça, je trouvais que c'était assez plaisant de constater que plus on regardait la télévision, moins on vivait vieux. Enfin, il y avait des études très sérieuses. Alors, je ne pense pas que la corrélation était directe, je ne pense pas que la télévision envoyait des ondes néfastes, mauvaises pour la santé, mais le fait d'avoir une sédentarité, de manger pendant qu'on la regarde, enfin, etc., avait des tas de... Bon, peu importe, j'ai écrit le livre en 97, donc c'était il y a assez longtemps, mais je trouvais que la télévision avait changé la façon de vivre des gens et que très peu de gens s'étaient penchés sur cette question, que c'était passé comme une lettre à la poste et que j'avais quand même assez envie, moi, de m'interroger. Donc il y a toute une dimension essai dans le livre, un vrai essai sur qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi perdons-nous notre temps à nous asseoir et à digérer des programmes finalement qui n'ont pas grand-chose à nous apporter. Et en fait, ce que je voulais de façon sous-jacente, c'était pas tellement dire du mal de la télévision, enfin tout le monde peut le faire, et certes, mais c'était faire un éloge de la vie. Et la vie, c'est pas la télévision, justement. C'est presque à l'opposé. Et donc, alors tout ça est évidemment assez enrobé, et c'est quand même une œuvre littéraire, mais il y avait une sorte d'éloge de la vie. Enfin, je veux dire, ce livre qui est sans doute. Qui a apparu, enfin j'aimais bien le magazine Les Inrecuptibles, avait dit davantage qu'un livre drôle, c'est un livre heureux. Et j'aimais beaucoup cette formule, parce qu'en effet, j'ai essayé à ce moment-là, assez consciemment, de faire un livre drôle, et c'est vrai que c'était presque un critère esthétique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, une page. Était réussi s'il était drôle. Donc il fallait faire rire. C'est un livre où il y avait vraiment une volonté de faire rire. En même temps, il y avait une réflexion tout à fait proche de l'essai, quasi sociologique. Mais il y avait en plus cette chose à laquelle moi, je n'avais pas particulièrement pensé, ce côté heureux. Alors il y a beaucoup, par exemple, d'allusions à la sexualité. Mais faire l'amour est une sorte de grand plaisir. apportait d'énormes satisfactions, et je faisais comme une sorte d'abstraction complète du sida. Alors, c'est le livre paru en 97, j'aurais pu m'interroger. Or, il y avait une sorte de vision de l'amour et de la sexualité, tout à fait heureuse en effet. Et donc, je crois que le livre était à la fois très sévère contre la télévision, mais en même temps, sous des dehors un peu légèrement lymphatiques du narrateur, il y avait une sorte d'éloge de la vie. Pour autant, Jean-Philippe Toussaint, regarder la télévision, ça peut provoquer des émotions planétaires. Parce que je voudrais évoquer un très court texte que j'aime infiniment, qui s'appelle Mélancolie de Zidane, et qui est né, bien sûr, à la suite de cette finale de la Coupe du Monde de 2006, où Zinedine Zidane a donné ce fameux coup de tête dans la poitrine du traître italien Materazzi. Non, je plaisante un petit peu, mais non, il y a quelques pages de ce texte, voilà. Celui-là, on sait d'où il vient, mais comment il arrive? Comment il y a cette nécessité d'écrire ces quelques pages? Alors, une des choses qui est tout à fait liée à regarder, c'est que j'étais dans le stade de Berlin le 9 juillet 2006, si je ne m'abuse. J'avais acheté un billet au marché noir, ça m'a coûté un pont. Ça les valait. ça les valait, mais je ne le savais pas encore. Je savais pas, Zidane ne m'avait pas prévenu qu'il allait faire ce coup de tête et que j'allais pouvoir en tirer un livre, je l'ignorais. Et je regardais très attentivement, mais figurez-vous que je regardais le ballon, comme d'ailleurs la plupart des spectateurs du stade. Donc, paradoxalement, nous n'avons rien vu. Et donc, c'est sûr que ça m'a quand même interloqué, moi qui pense le plus grand mal de la télévision en toute légitimité, de devoir admettre que moi, dans le stade, je n'avais rien vu et que la seule façon d'avoir un regard valide sur la réalité passe par la télévision ou par la caméra. Donc, je nuance quand même un tout petit peu, mais enfin, par la caméra, et c'est grâce à la télévision que tout le monde a pu se rendre compte de... Donc, c'est une sorte de paradoxe qui m'a interrogé. Alors, sinon, ça faisait un moment que j'écrivais des textes sur le football. J'avais publié dans Libération des chroniques japonaises qui s'appelaient Jour de juin au Japon en 2002. J'avais suivi la Coupe du Monde. Et j'avais écrit aussi un texte pour l'Équipe Magazine en 2006 à Berlin, qui est un texte sur Berlin et le football. Et j'avais envie de réunir tous ces textes sur le football. Mais il se trouve que le texte, le dernier que j'ai écrit sur Zidane, finalement avait une valeur littéraire bien supérieure à tous les autres qui étaient plus des textes de témoignages. Et je l'ai fait lire séparément à Irène Lindon, enfin je lui ai fait lire que celui-là, et elle m'a proposé de le publier immédiatement, alors qu'il est très court. Il est remarquablement court. Il est remarquablement court, mais en même temps, il y a beaucoup de registres dans ce court texte, parce qu'à la fois, il y a un côté témoignage, il y a un côté romanesque, le troisième personne presque flaubertienne, Zidane regardait le ciel de Berlin, le début, encore regardé. Il y a une dimension psychanalytique. Je fais beaucoup référence au texte de Freud, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Il y a une dimension aussi très iconique, Zidane comme icône, enfin, façon un peu Andy Warhol. Il y a encore une dimension, bon, je fais encore référence aussi à Zénon Délé, enfin, etc. Il y a énormément de dimensions dans un texte très court, et ça m'intéressait d'une certaine façon de m'approprier, de m'inventer une sorte de Zidane, et donc d'être un écrivain contemporain. C'était ça le défi, je me disais, voilà, il s'est passé quelque chose, toute la presse en a parlé abondamment, mais moi, comme écrivain, je peux apporter un regard qui ne sera pas un regard journalistique, qui sera un regard littéraire, psychanalytique, historique, sociologique, et je crois que je peux apporter quelque chose de finalement qui n'a pas d'équivalent. On a évoqué les débuts au cinéma, Jean-Philippe Toussaint, donc puisque l'on parle de regarder aujourd'hui, parler de cinéma, j'ai lu quelque part que les différences entre la biologie et les mathématiques sont les mêmes qu'entre littérature et cinéma, ça doit vous évoquer quelque chose. L'envie de cinéma, vous le disiez aussi précédemment, précède l'envie d'écriture chez vous, Jean-Philippe Toussaint. J'ai toujours été fasciné par le cinéma. Je vivais à Paris pendant mes études à Sciences Po et pendant le DEA. Je fais un DEA d'histoire. Et j'étais ce qu'on peut appeler un cinéphile. J'habitais d'ailleurs près du Trocadéro et la cinémathèque se trouvait non loin de là. Et j'y allais tous les après-midi. J'achetais le Pariscope et je cochais les séances à l'entrepôt ou dans certaines salles du Quartier Latin. Donc j'allais voir tous les classiques du cinéma. J'avais donc une culture cinématographique bien, bien supérieure à ma culture littéraire. Et curieusement, il y a une sorte de processus inverse, c'est-à-dire que plus le temps a passé, plus finalement je me suis intéressé à la littérature et à l'écrit. Plus j'ai lu, et moins j'étais au cinéma, plus j'ai... Et je ne réponds pas tout à fait à la question, mais je constate que la littérature n'était pas mon premier amour, si on peut dire, mais que plus le temps est passé, plus j'ai aimé la littérature. Et finalement, c'était... Normalement, c'est quand même pas une très grande surprise d'entendre un écrivain dire « mais j'aime la littérature de plus en plus ». Mais pour moi, oui, parce que ce n'était pas immédiat. C'est-à-dire que au départ, la littérature me semblait quelque chose d'un peu intimidant, un peu presque trop bien pour moi, trop difficile, trop... Et petit à petit, à force de pratiquer la littérature, j'ai lu de plus en plus, j'ai découvert de plus en plus de choses, et je me suis rendu compte que finalement... La littérature était un art auquel il ne manquait rien. C'est un art complet. Et enfin, ça me plaît de le constater maintenant, parce que la littérature est quand même pas un art qui a complètement le vent en poupe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une sorte de menace autour de l'écrit. En tout cas, on est à l'aube d'une grande transformation. Je pense que les gens vont continuer à écrire. Mais la réception de la littérature va certainement... être modifié avec la nouvelle façon de... Enfin, avec le fait que le papier ne va plus être le réceptacle unique pour savourer la littérature. Mais on pourrait dire aussi, Jean-Philippe Toussaint, que si vous trouvez votre bonheur et de plus en plus dans la littérature, plutôt que dans l'envie première de cinéma, c'est que vous avez amené dans la littérature ce qui est censé être de l'ordre du cinéma, c'est-à-dire que vos livres, c'est du temps et de l'espace, que vos livres ont des couleurs, que vous êtes votre chef opérateur, que vos livres ont leur lumière propre, et que donc, finalement, ce qui serait l'essence même du cinéma, ça se trouve dans votre écriture. Merci. c'est sans doute... j'ai jamais pensé en ces termes, mais ça doit être, d'une certaine façon, mon ambition. La réflexion que je me fais, c'est que la littérature donne une plus grande... laisse une plus grande place au lecteur et à l'esprit, au cerveau du lecteur. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le spectateur, même actif, est sur des rails. Or, le lecteur, finalement, a une sorte d'infinie liberté. Et en même temps, cette infinie liberté est extrêmement confortable. C'est-à-dire que finalement, c'était déjà présent dans mes premiers livres. Je pense à certaines images de monsieur qui dit... mais son esprit était le monde qu'il avait convoqué. Enfin, je me souviens d'une phrase comme ça, que finalement, le lieu qui m'intéresse le plus, c'est l'intérieur de l'esprit. C'est là que tout se passe. Et même si le monde, je passe beaucoup de temps à le décrire, à le reconstruire avec des mots, c'est quand même pour arriver dans un cerveau. Enfin, ça part de mon cerveau et c'est destiné à un autre cerveau humain, d'une certaine façon. Là, je fais presque de la science-fiction. Mais en même temps, il y a une vraie... cet échange. Et c'est pour ça que je reviens à cette idée de la structure ou de la texture du rêve, où il y a des racines qui vont très profondément dans la sensibilité de chacun de nous. Et donc, moi, pour écrire, je me sers de mon histoire, de mes souvenirs, de mon intimité, de mes douleurs, de mes souffrances. Mais... Je dirige cela vers un cerveau, qui est le cerveau du lecteur, et je demande que le lecteur aille aussi puiser, aille, en me lisant, chercher avec des racines ou avec ce qu'il veut, à l'intérieur de lui-même, pour finalement arriver à une image qui va apparaître dans son cerveau, dont il sera d'une certaine façon le co-auteur. Et je pense que ça, ce processus, bon, je parle de la lecture tout simplement, hein, mais cette façon de concevoir la lecture est d'une richesse infiniment supérieure à ce qui peut se passer dans notre cerveau lorsqu'on regarde un film. Parce que beaucoup plus de choses sont... on a beaucoup moins de marge. Les choix sont faits vraiment par le cinéaste et on est quand même légèrement plus passif comme spectateur d'un film que comme lecteur d'un livre. Ou comme lecteur d'un livre du 19e, plein de ses descriptions, et c'est pourquoi chez vous, Jean-Philippe Toussaint, les personnages n'ont pas de caractéristiques physiques très soulignées. On ne sait pas à quoi ressemble Marie, alors qu'on a quand même suivi pendant 4 livres. Et ça renvoie aussi la question du regard dans le livre, de l'observation. Vous parlez dans ce recueil, L'urgence et la patience, de ce bahut déménagé en pleine nuit dans l'appartement de Marie. Vous écrivez, il m'importait qu'on entende le mot et non pas qu'on le voie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut permettre, j'allais dire à l'auditeur, au lecteur, de voir. En l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est plus rare. C'est-à-dire que là, on a une phrase ou un détail ou un élément qui est purement littéraire, puisque je ne fais appel qu'aux mots. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, je me sers des mots comme d'outils pour faire apparaître une image dans l'esprit du lecteur. C'est quand même la base, je dirais, de mon travail, je pourrais le résumer comme ça. J'utilise les mots pour faire apparaître une image dans votre cerveau. Bon, je pourrais résumer mon travail comme ça. Mais à certains moments, je vais non pas m'intéresser à l'image, mais au mot lui-même. Et c'est en cela que la littérature est riche. C'est en cela que finalement, je mets là, en l'occurrence, un peu d'abstraction, puisque ce qui m'intéresse, c'est bahut, c'est les lettres, le mot, enfin, je dirais les agréments du mot lui-même. Et comme je le dis, c'est peu importe l'image. Mais la plupart du temps, c'est quand même essayer de faire apparaître l'image du bahut. Enfin, en l'occurrence, les deux sont possibles. On peut à la fois savourer le mot et avoir quand même une vague idée de bahut dans la tête ou dans l'esprit. Et peut-être terminer cet épisode du verbe regarder. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire ensemble, Jean-Philippe Toussaint. Le regard, une vue de l'esprit. C'est une phrase dans le livre catalogue La main et le regard pour Livre Louvre. Elle vient d'où cette phrase? De monsieur. Et je vous parlais de monsieur justement il y a très peu de temps, il y a 3-4 minutes, mais son esprit était le monde qu'il avait convoqué. Mais son esprit était le monde qu'il avait convoqué, c'est monsieur aussi. Le regard pour monsieur, une vue de l'esprit, c'est dans monsieur ce livre un peu qui n'a pas eu en France un accueil aussi spectaculaire que La salle de bain, mais qui avait énormément été apprécié au Japon. J'avais été très surpris, où il avait eu autant de succès que La salle de bain. En fait, c'est la première fois dans Monsieur où j'insiste autant sur cette espèce de lieu clos, fermé, qui est l'esprit, qui est notre esprit. Et mon esprit, bien sûr, d'écrivain, mais aussi l'esprit du lecteur. Et donc, il y a toute cette réflexion-là. Le regard ne m'intéresse que dans sa connexion au cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, si le regard n'est pas connecté à un cerveau, à un esprit, et cet esprit a des souvenirs, a une personnalité, a une sensibilité, bah, c'est un regard vide, c'est un regard de caméra de surveillance. C'était À voix nue. Toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Frédéric Kérou. Réalisation, Rafik Zénine. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Philippe Toussaint. Thank you. France Culture, un été d'écrivain. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, lecture. Ce soir, autour de Marie. Jean-Philippe Toussaint a choisi de lire des extraits des livres qui composent son cycle romanesque intitulé Marie, Madeleine, Marguerite de Montalt. Un cycle consacré à Marie, créatrice de mode et compagne du narrateur. De Paris à Tokyo, en passant par l'île d'Elbe et la Chine, les deux personnages ne cessent de se séparer et de se retrouver. Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon. Troisième épisode, La vérité sur Marie, première partie. La salle de voyage du cheval fit alors son apparition sur le parking. Trônant sur une remorque plate, telle une statue de procession, tractée par un petit véhicule électrique qui l'emportait dans son sillage. La manœuvre était supervisée par le chef d'escale de la Lufthansa, un talkie-walkie à la main, qui portait un immense ciré noir qui flottait sous la pluie autour de son costume. Marie s'était mise à l'abri dans le hangar et observait les opérations à distance. Toutes les portes étaient ouvertes à présent, mais le cheval restait toujours invisible dans les profondeurs du van, sur lequel tous les regards étaient fixés. De la présence du pur sang ne témoignait encore que de brefs hennissements étouffés qui provenait de l'intérieur du fourgon, et une odeur de cheval, une puissante odeur de cheval, de foin et de crottin, qui allait se mêler à l'odeur de la pluie et au relent de kérosène. Alors, lentement, apparut la croupe du pur sang, sa croupe noire, luisante, rebondie, à reculons, les sabots arrière cherchant leurs appuis sur le pont, battant bruyamment sur le métal et trépignant sur place, très nerveux, faisant un écart sur le côté et repartant en avant. Il ne portait pour tout harnachement qu'un licol et une longe, une courte couverture en luxueux velours pourpre sur le dos et les membres finement enveloppés de bandages protecteurs et de guêtres de transport fermés par des velcros, les glomes et les tendons momifiés de bandelettes pour éviter les coups et les blessures. C'était 500 kilos de nervosité, d'irritabilité et de fureur qui venaient d'apparaître dans la nuit. Le pelage noir illustré, la musculature apparente, il descendait à reculons, les deux Japonais en blazer bleu marine, collés contre son corps à la hauteur de l'épaule, pour essayer de le contenir, s'agrippant à la longe, le tirant et le retenant. Le cheval ne se laissait pas faire. Rétif, tournait la tête pour se dégager, s'ébrouait, se débattait. Des frémissements spontanés couraient le long de sa crinière, comme des ondes visibles de tension et de nervosité. Sa puissance physique était impressionnante. Il émanait de lui une énergie animale électrique. Les deux Japonais semblaient dépassés par les événements. Ils perdaient pied, leurs blazers défaits, les cravates en bataille. Ils lançaient de vaines injonctions dans le vide pour qu'on leur vînt en aide. On sentait leur émotivité, leurs mains et leurs visages tremblaient. Immobile sur le pont, le pur sang ne bougeait plus, n'avançait plus, ne reculait plus, malgré les efforts des deux Japonais qui tiraient sur la longe, sans parvenir à le faire bouger. Le chef d'escale de la Lufthansa, son talkie-walkie à la main, s'était approché du van et personne ne bougeait plus, ni le cheval, arrêté à mi-pont, immobile, furieux, impérial, ni les spectateurs, fascinés par la force brute de cet étalon immobile, ses muscles, longs et puissants, saillants, tendus, qui contrastaient avec le tracé gracieux des pattes, la finesse des pâturons, minces, étroits, délicats comme des poignets de femmes. Le cheval, après un bref surplace inquiétant, fit encore vivement deux ou trois pas reculons, avec fougue et brutalité, tournoyant soudain sur lui-même, en entraînant à sa suite les deux Japonais qui dégringolèrent du pont en sautant sur le bitume pour accompagner le mouvement. Instinctivement, chacun s'était éloigné de la trajectoire du cheval. On reflua vers le hangar. Les deux Japonais, collés contre le corps du cheval, plaqués sous son épaule, cherchaient à freiner sa progression, à le ralentir. Mais ils étaient emportés par sa puissance, entraînés par son énergie, et ne pouvaient qu'accompagner le mouvement, trottinant à côté de lui, en se contentant d'essayer d'infléchir sa direction pour le diriger vers la stalle de voyage. La stalle l'attendait en haut de la remorque, les portes ouvertes, que deux techniciens s'apprêtaient à refermer aussitôt derrière lui. Mais le cheval se cabra au pied du pont, recula et fit demi-tour, repassa avec impétuosité devant Marie et Jean-Christophe Degé. Les deux Japonais ne contrôlaient plus rien. Ils se bornaient à circonscrire le rayonnement du cheval en le retenant par la longe. Le pur sang leur échappait, tournait sur lui-même dans des déhanchements de croupe et des claquements de sabots. Il divaguait sous la pluie, entre les divers véhicules garés devant le hangar, entra soudain dans le faisceau des phares d'une voiture restée allumée sur le parking et prit brusquement la direction du hangar, obligeant les spectateurs à reculer et à se réfugier en vagues à l'intérieur du bâtiment. Des tubes de néon blanc couraient tout au long de l'étroit auvent du hangar. Et la pluie continuait de tomber à verse dans la nuit, oblique, presque horizontale sous les rafales de vent. Les deux Japonais avaient réussi à reprendre le contrôle du cheval. Ils l'avaient fait pivoter en le guidant fermement par la boucle du licol et étaient repartis à zéro. Ils étaient revenus jusqu'au van et avaient pris la direction de la stalle en contournant les voitures au plus large, en s'éloignant sur le parking. Le tonnerre grondait au loin. Un éclair déchirait le ciel de temps à autre, au-dessus des pistes invisibles. Le cheval avançait au pas maintenant, loin des lumières des entrepôts, dans la pénombre pluvieuse du parking, les deux Japonais du même côté de lui, qui l'escortaient dans la nuit dans leur blazer bleu détrempé. Le pur sang les suivait, apparemment docile, secoué par instants de brusque et imprévisible impulsion de la tête. Ils étaient presque arrivés à la hauteur de la remorque, quand le pur sang se raidit en apercevant la stalle, se braqua de nouveau et pivota, les oreilles couchées, hennissant, la bouche ouverte, cherchant à mordre, les dents soudain découvertes dans la nuit, recula et s'emballa, en emportant à sa suite les deux Japonais qui tournoyaient derrière lui. Le pur sang s'était échappé. Il s'était enfui dans la nuit, d'abord freiné, arrêté dans son élan, empêtré par un des Japonais qui n'avait pas lâché la longe et qui sembla ne jamais devoir la lâcher, comme s'il se l'était enroulé autour du bras ou noué autour du poignet, qu'il ne pouvait pas s'en défaire ou qu'il ne pouvait pas imaginer la lâcher, devant trouver simplement inimaginable de la lâcher et de laisser échapper ce cheval dont il avait la responsabilité et qui s'y agrippait de toutes ses forces, déjà à terre, tombé sur le sol à la renverse, encore à genoux, s'étant redressé et tirant, essayant d'enrouler la corde autour de sa taille, résistant encore, mais bientôt projeté à plat ventre sur le bitume et ne lâchant toujours pas, rebondissant plusieurs fois dans les flaques d'eau et des éclaboussures de sang, dans une image terrifiante de skieur nautique en perdition, ne pouvant plus se redresser, ballotté, soulevé, écrasé sur le sol, encore traîné sur une dizaine de mètres, avant de laisser le cheval s'échapper. Zahir fuyait au galop dans la nuit, libre et furieux, déjà loin et à peine visible. Il avait pris instinctivement la direction des zones les plus enténébrées de l'aéroport, quittant les profondeurs du parking et traversant la route d'accès peu éclairée pour s'élancer vers les pistes. Plusieurs témoins de la scène avaient perçu le danger, et tandis que quelques-uns se jetaient sur le parking pour aller porter secours aux deux Japonais blessés, l'un s'était déjà relevé et boitait, revenait sur ses pas dans la lumière des phares, l'autre ne bougeait plus, avait perdu connaissance, sa nuque baignait sur le bitume, le visage ensanglanté, dans une flaque de pluie noire et luisante. D'autres téléphonaient, avertissaient les autorités aéroportuaires. On courait et montait dans les voitures, on organisait la poursuite. Trois véhicules s'étaient déjà lancés dans la nuit à la poursuite du cheval et fonçaient droit devant eux à travers l'immense parking du hangar, les phares allumés dans la pluie battante, zigzagant dans les flaques et manquant de se télescoper. Le chef d'escale de la Lufthansa, au volant de son petit véhicule technique, Marie seule dans la limousine que conduisait le chauffeur ganté de blanc, et les autres, tous les autres, y compris Jean-Christophe Deger, qui avait pris les choses en main et qui donnait des ordres, tous ceux qui n'étaient pas restés pour porter secours aux blessés, avaient pris place dans l'étroit minibus Subaru, entassés sur les trois rangées de sièges parmi les sacs et les bagages de Marie. Zahir, en arabe, veut dire visible. Le nom vient de Borges, et de plus loin encore, du mythe, de l'Orient, où la légende veut qu'Allah créa les purs sangs d'une poignée de vent. Et dans la nouvelle éponyme de Borges, le Zahir est cet être qui a la terrible vertu de ne jamais pouvoir être oublié dès lors qu'on l'a aperçu une seule fois. Il n'y avait plus trace de Zahir sur le parking. Il s'était dissous dans la nuit. Il s'était évaporé. Il s'était fondu, noir sur noir, dans les ténèbres. La nuit présentait son obscurité habituelle, comme si le pur sang était parvenu à s'introduire dans sa matière et qu'elle l'avait instantanément englouti et digéré. Les voitures fonçaient à toute vitesse vers l'horizon, les vitres fouettées par la pluie, les carrosseries tressautant sous les à-coups du revêtement. Arrivé au bout de l'immense parking, butant sur un petit accotement qui ne donnait sur rien, sur des pelouses sombres et détrempées, sur des terrains vagues à perte de vue, ils durent se rendre à l'évidence. Zahir avait disparu. Au loin, des sirènes de secours se faisaient entendre dans la nuit. Une ambulance rejoignait le hangar pour prendre soin du Japonais blessé et des camions de pompiers se mettaient en position le long des pistes pour dresser des barrages. Les procédures de décollage et d'atterrissage avaient dû être interrompues, les autorités aéroportuaires ne pouvant prendre le risque de laisser des avions atterrir tant qu'il y aurait un pur sang en liberté dans l'enceinte de l'aéroport. Les poursuivants durent alors ralentir, abandonner le premier élan de précipitation pour chercher plus patiemment le pur sang dans la nuit. Ils roulaient à faible allure sur une petite route peu éclairée et restaient silencieux dans les voitures, surveillaient les alentours. Ils ouvraient l'œil à la vitre, à l'affût d'un mouvement à l'horizon, d'une ombre dans les ténèbres, d'un déplacement d'air, un simple souffle, une haleine, l'oreille tendue sur les sièges dans la pénombre des habitacles, les conducteurs aux aguets au volant, à l'écoute d'un bruit venu des pistes qui trahirait la présence du cheval, un hennissement, un ébrouement, une brève cavalcade de sabots sur le bitume. Il n'y avait aucun endroit où se cacher sur les surfaces parfaitement planes de l'aéroport, aucun obstacle, ni arbre ni taillis, l'horizon était parfaitement dégagé. Au bout de la route, ils contournèrent une barrière fermée et s'engagèrent lentement sur une piste, toujours au ralenti, toujours silencieux, sondant la nuit autour d'eux, scrutant l'obscurité de leur regard aigu, quand soudain, surgit de nulle part, avec la même soudaineté qu'il avait disparu, le corps puissant et noir de Zahir s'incarna dans la lumière des phares, à la fois en plein galop et arrêté, affolé, les yeux terrorisés, le pelage noir et mouillé, comme s'il ressortait à l'instant de la nuit où il s'était dissous. Alors, à la seconde, les trois véhicules accélèrent à fond pour se jeter à sa poursuite. Ils étaient à 100 mètres de lui, le cheval au galop les précédait dans la nuit, la crinière au vent, le mouvement des pattes accéléré dans un sprint éperdu, les sabots battant furieusement le bitume. Il ne le perdait plus de vue dans la lumière des phares. Il l'avait en ligne de mire. Il restait collé à sa silhouette affolée, sinuante et flexueuse, tournant à gauche quand il tournait à gauche, bifurquant avec lui, les trois voitures fonçant côte à côte sur l'immense tarmac désert pour l'empêcher de faire demi-tour et de leur échapper, essayant de resserrer chaque fois un peu plus les raies de la poursuite, s'organisant de voiture à voiture, Jean-Christophe Deger dirigeant les opérations depuis le minibus, donnant des ordres au chauffeur et communiquant avec le chauffeur de la limousine via le téléphone de Marie. Il avait téléphoné à Marie dans la limousine, le portable de Marie avait sonné dans son sac à main et elle avait entendu la voix de Jean-Christophe Deger dans le noir, sa voix précise, calme, autoritaire, qui lui demandait de transmettre les consignes au chauffeur. Et Marie faisait scrupuleusement le relais, le portable à l'oreille, et écoutait docilement les instructions et les répétait aussitôt en anglais au chauffeur. De manière à ce que les trois véhicules avancent de front pour couper toute retraite au cheval. Jean-Christophe Deger, coordonnant la poursuite depuis le siège avant du minibus, réglant les distances entre les véhicules, procédant à de minuscules ajustements pour corriger les trajectoires, enjoignant aux voitures de diriger toujours leur phare droit sur le cheval en fuite, de sorte que le cheval se sente poursuivi par une ligne de lumière mobile et aveuglante, effrayante, éblouissante comme une ligne de feu. Ils étaient sur le point de le rejoindre quand le cheval fit un brusque tête-à-queue devant eux, en toupie sur le tarmac. Son corps se torsadant dans un tourbillon de muscles et une gerbe de gouttes de pluie, et sans transition, il se mit à galoper face aux voitures dans la lumière des phares, les yeux fous, sauvages, hallucinés, la crinière échevelée hérissée d'éclaboussures de transpiration et de boue. Il galopait vers les voitures, prenait de la vitesse sur les pistes de Narita, comme s'il se préparait à franchir l'obstacle de la ligne de véhicules en mouvement qui lui fonçait dessus, et à quitter le sol, à s'envoler dans le ciel, Pégase ailé, disparaissant dans les ténèbres, pour aller rejoindre la foudre et les éclairs. Dès qu'il le vit faire volte-face, Jean-Christophe Deger avait perçu le danger et l'ordre avait fusé immédiatement, communiqué aux autres véhicules, de se mettre à klaxonner, tous ensemble, de lui foncer dessus en klaxonnant. Ils se fonçaient mutuellement dessus, le cheval fonçant sur les voitures pour essayer de traverser leur ligne en mouvement et les voitures lui fonçant dessus pour l'effrayer et le forcer à battre en retraite. Le bras de fer tourna in extremis à l'avantage des voitures dans un concert de klaxons épouvantables. Trois hurlements combinés d'avertisseurs sonores entremêlés qui se mouvaient de front dans la nuit. Et le cheval, s'arrêtant, pile en net, dérapant sur la piste mouillée, trébuchant face aux voitures, se relevant aussitôt, paniqué, s'enfuit en catastrophe sur le côté, galopa droit devant lui jusqu'aux limites ultimes de l'aéroport où il se trouva bloqué par les doubles grillages de l'enceinte de sécurité de Narita. Les voitures se mirent en position en arc de cercle autour du cheval, à 30 mètres de lui environ, le cernèrent de toutes parts, les phares toujours dirigés vers sa silhouette immobile. Les portières s'ouvrirent et les hommes sortirent sur la piste. Ils continuèrent la poursuite à pied, sans se préoccuper de la pluie battante, s'avançaient de front en direction du cheval. Un des acolytes se penchant vers le sol et ramassant ce qu'il trouvait pour lui lancer des pierres, des gravillons, des saletés, du vide, pour le refouler contre les barrières, le tenir à distance ou conjurer sa propre peur. Jusqu'à ce que Jean-Christophe Deger lui donna l'ordre de cesser. Il donna l'ordre à tout le monde de s'arrêter et de se taire, de ne plus bouger. Plus un mouvement, plus un geste. Le cheval s'était arrêté, acculé contre le grillage, sans possibilité de fuite ni de repli, et il les regardait, immobile, haletant, essoufflé, ses flancs se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Alors Jean-Christophe Deger s'avança vers lui, seul, les mains nues. Le cheval ne bougeait pas et le regardait venir. Jean-Christophe Deger avançait vers lui sous la pluie, en élégant manteau sombre, les mains vides, sans rien pour le maîtriser, ni corde, ni longe, ni courroie, rien pour le capturer, le contenir ou l'attacher. Calme, disait-il. Calme, Zahir, calme, répétait-il à voix basse. Il n'était plus qu'à quelques mètres de lui. Il se dégageait encore du cheval des ondes sulfureuses, une énergie incontrôlable d'animal épouvanté. Le cheval continuait de le regarder venir, immobile. Des sons rauques et inquiétants sortaient de sa gorge. Son pelage était mouillé, collé de pluie et de transpiration crasseuse, dans lequel étaient venues s'incruster de minuscules particules de boue, des saletés, des gravillons et des éclats de bitume. Il avait dû glisser plusieurs fois sur les pistes, car il était blessé. Son genou était ouvert, écorché et noirâtre. Jean-Christophe Degey était presque arrivé à sa hauteur. Il avançait toujours. Il ne le quittait pas des yeux et il lui présentait ses mains, blanches, vides, ouvertes, comme pour lui signifier qu'il n'avait pas d'armes, pas même de liens, de cordes, rien. Les mains nues, le regard intense et les mains nues, la main et le regard. Sans oublier la voix humaine, chaude, enveloppante, sensuelle, séductrice, qu'il modulait, dont il faisait varier les inflexions pour l'amadouer. Calme, disait-il. Calme, Zahir, calme, répétait-il. Il n'était plus qu'à quelques centimètres du contact de son épiderme. Mais il ne le toucha pas tout de suite. Il laissa le cheval observer ses mains. Ses deux longues mains blanches immobiles sous les yeux du cheval, laissant au pur sang tout le temps de les observer, de les sentir, de les humer. Et le cheval regardait ses mains, les reniflait, les naseaux humides collés aux doigts. Docile et humant prudemment, il avait peut-être reconnu une odeur. Peut-être l'odeur de Jean-Christophe Degey lui était-elle familière. Il ne tressaillit même pas quand Jean-Christophe Degey posa sa main sur sa peau et le toucha, le caressa avec beaucoup de lenteur et de délicatesse, comme s'il caressait une femme, comme s'il passait lentement la main sur le corps d'une femme. Le cheval se laissait faire. Il semblait aimer être touché par ses mains à la fois fermes et tendres, qui devait lui communiquer une sensation de chaleur et un sentiment d'apaisement et de calme après les minutes d'effarement et de terreur qu'il venait de vivre. Jean-Christophe Degey avait approché sa tête de la joue du cheval et il lui parlait à l'oreille. Il l'apaisait de sa voix douce, envoûtante. Il lui tapotait la tête, lui frottait le pourtour des yeux. « Voilà, disait-il, voilà, très bien, Zahir, très bien. » Il lui parlait en français. Il avait toujours parlé français à ses chevaux. La langue de l'amour, le français. Et de la perfidie aussi, parfois. Son ombre vénéneuse. Car les caresses de Jean-Christophe Degey n'étaient pas sincères. Tout du moins pas sans arrière-pensée. La persuasion de sa voix et la douceur de ses mains étaient très calculées. Il préparait déjà la suite. Il songeait déjà, tout en le caressant, au mauvais tour qu'il allait lui jouer. Il n'aurait pas pu sinon. Il n'aurait pas pu réussir son geste avec autant d'adresse, de vitesse et de grâce. Il ne l'aurait pas exécuté avec autant de maestria s'il ne l'avait pas entièrement décomposé mentalement avant de l'accomplir, comme un tour de magie ou de passe-passe, une Véronica de Torero. En une fois, il arracha l'écharpe qu'il avait autour du cou, la souleva en l'air. Un instant, l'étoffe noire moirée de reflets rouges tournoyait à la verticale dans la nuit, et passant rapidement l'écharpe autour de la tête du cheval, il la noua autour des yeux de Zahir. Il lui banda les yeux pour l'aveugler. Il serra bien l'écharpe pour ne pas laisser passer de jour, comme dans un jeu de colamaillard, et noua fermement les deux pans au montant du licol pour la fixer. Le cheval fit un pas en arrière vers la barrière, les yeux bandés, et s'immobilisa, aveuglé. Vaincu, Aussitôt, du cercle des spectateurs interdits qu'il observait sans bouger, surgit le chauffeur du van, qui courut les rejoindre avec la longue corde de chanvre enroulée comme un lasso, s'agenouilla au pied du cheval et lui passa la corde autour d'une des pattes, la noua, puis il tira sur la corde pour forcer le cheval à maintenir son membre fléchi à la hauteur du genou. Ainsi entravé par la corde, titubant sur trois pattes et ne voyant plus rien, Zahir n'opposa plus de résistance. Alors seulement, Jean-Christophe Deger ramassa la longe qui traînait par terre sur le sol mouillé et il revint calmement vers les voitures en tenant Zahir en laisse comme un grand chien noir disproportionné, sage, claudiquant sur trois pattes, les yeux bandés. C'était Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes, d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au Musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon, en partenariat avec la SACD. Prise de son Philippe Bredin et Arnaud Chapat. Sonorisation Tanguy Le Corneau. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Réalisation Delphine Lemaire. Les livres de Jean-Philippe Toussaint sont publiés aux éditions de Minuit. Série d'un été d'écrivains, lectures et entretiens.